En classe, Pierre demande une permission. Monsieur, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir à 11 heures? Je dois aller passer une visite médicale.